Chapitre 12. Mon premier ami. La mère d'Arthur était anglaise. Elle se nommait Madame Milligan. Elle était veuve et Arthur était son seul enfant. Au moins son seul enfant vivant, car elle avait eu un fils aîné qui avait disparu dans des conditions mystérieuses. À l'âge de 6 mois, cet enfant avait été perdu ou volé, et jamais on n'avait pu retrouver ses traces. Il est vrai qu'au moment où cela était arrivé, Madame Milligan n'avait pas pu faire les recherches nécessaires. Son mari était mourant, et elle-même était très gravement malade, n'ayant pas sa connaissance et ne sachant rien de ce qui se passait autour d'elle. Quand elle était revenue à la vie, son mari était mort, et son fils avait disparu. Les recherches avaient été dirigées par M. James Milligan, son beau-frère. Mais il y avait cela de particulier dans ce choix, que M. James Milligan avait un intérêt opposé à celui de sa belle-sœur. En effet, son frère mort sans enfant, il devenait l'héritier de celui-ci. Ces recherches n'aboutirent point. En Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, il fut impossible de découvrir ce qu'était devenu l'enfant disparu. Cependant, M. James Milligan n'hérita point de son frère, car 7 mois après la mort de son mari, Mme Milligan mit au monde un enfant qui était le petit Arthur. Mais cet enfant, chétif et maladif, ne pouvait pas vivre, disaient les médecins. Il devait mourir d'un moment à l'autre. Et ce jour-là, M. James Milligan devenait enfin l'héritier du titre et de la fortune de son frère aîné, car les lois de l'héritage ne sont pas les mêmes dans tous les pays, et en Angleterre, elles permettent, dans certaines circonstances, que ce soit un oncle qui hérite au détriment d'une mère. Les espérances de M. James Milligan se trouvèrent donc retardées par la naissance de son neveu. Elles ne furent pas détruites. Il n'avait qu'à attendre. Il attendit. Mais les prédictions des médecins ne se réalisèrent point. Arthur resta maladif. Il ne mourut pourtant pas, ainsi qu'il avait été décidé. Les soins de sa mère le firent vivre. C'est un miracle qui, Dieu merci, se répète assez souvent. 20 fois on le crut perdu. 20 fois il fut sauvé. Successivement, quelquefois même ensemble, il avait eu toutes les maladies qui peuvent s'abattre sur les enfants. En ces derniers temps, s'était déclaré un mal terrible, qu'on appelle coxalgie, et dont le siège est dans la hanche. Pour ce mal, on avait ordonné les eaux sulfureuses, et Mme Milligan était venue dans les Pyrénées. Mais après avoir essayé des eaux inutilement, on avait conseillé un autre traitement, qui consistait à tenir le malade allongé, sans qu'il pût mettre le pied à terre. C'est alors que Mme Milligan avait fait construire à Bordeaux le bateau sur lequel je m'étais embarqué. Elle ne pouvait pas penser à laisser son fils enfermé dans une maison. Il y serait mort d'ennui ou de privation d'air. Arthur ne pouvant plus marcher, la maison qu'il habiterait devait marcher pour lui. On avait transformé un bateau en maison flottante, avec chambre, cuisine, salon et véranda. C'était dans ce salon ou sous cette véranda, selon les temps, qu'Arthur se tenait du matin au soir avec sa mère à ses côtés, et les paysages défilaient devant lui sans qu'il eût d'autre peine que d'ouvrir les yeux. Ils étaient partis de Bordeaux depuis 1 mois, et après avoir remonté la Garonne, ils étaient entrés dans le canal du Midi. Par ce canal, ils devaient gagner les étangs et les canaux qui longent la Méditerranée, remonter ensuite le Rhône, puis la Saône, passer de cette rivière dans la Loire jusqu'à Briard, prendre là le canal de ce nom, arriver dans la Seine et suivre le cours de ce fleuve jusqu'à Rouen, où il s'embarquerait sur un grand navire pour rentrer en Angleterre. Bien entendu, ce ne fut pas dès le jour de mon arrivée que j'appris tous ces détails sur Mme Milligan et sur Arthur. Je ne les connus que successivement, peu à peu, et si je les ai groupés ici, c'est pour l'intelligence de mon récit. Le jour de mon arrivée, je fis seulement connaissance de la chambre que je devais occuper dans le bateau qui s'appelait le Cygne. Bien qu'elle fût toute petite, cette chambre, 2 mètres de long sur 1 mètre à peu près de large, c'était la plus charmante cabine, la plus étonnante que puisse rêver une imagination enfantine. Le mobilier qui la garnissait consistait en une seule commode. Mais cette commode ressemblait à la bouteille inépuisable des physiciens qui renferme tant de choses. Au lieu d'être fixe, la tablette supérieure était mobile. Et quand on la relevait, on trouvait sous elle un lit complet, matelas, oreiller, couverture. Bien entendu, il n'était pas très large ce lit. Cependant, il était assez grand pour qu'on y fût très bien couché. Sous ce lit était un tiroir garni de tous les objets nécessaires à la toilette. Et sous ce tiroir s'en trouvait un autre, divisé en plusieurs compartiments, dans lesquels on pouvait ranger le linge et les vêtements. Point de table, point de siège, au moins dans la forme habituelle, mais contre la cloison, du côté de la tête du lit, une planchette qui, en s'abaissant, formait table, et du côté des pieds, une autre qui formait chaise. Un petit hublot percé dans le bordage et qu'on pouvait fermer avec un verre rond servait à éclairer et à aérer cette chambre. Jamais je n'avais rien vu de si joli, ni de si propre. Tout était revêtu de boiseries en sapin verni, et sur le plancher était étendue une toile cirée à carreaux noirs et blancs. Mais ce n'était pas seulement les yeux qui étaient charmés. Quand, après m'être déshabillé, je m'étendis dans le lit, j'éprouvais un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi. C'était la première fois que des draps me flattaient la peau au lieu de me la gratter. Chez Mère Barberin, je couchais dans des draps de toile de chanvre raide et rugueux. Avec Vitalis, nous couchions bien souvent sans draps sur la paille ou sur le foin. Et quand on nous en donnait, dans les auberges, mieux aurait valu presque toujours une bonne litière. Comme ils étaient fins, ceux dans lesquels je m'enveloppais. Comme ils étaient doux, comme ils sentaient bon. Et le matelas, comme il était plus moelleux que les aiguilles de pin sur lesquelles j'avais couché la veille. Le silence de la nuit n'était plus inquiétant. L'ombre n'était plus peuplée. Et les étoiles que je regardais par le hublot ne me disaient plus que des paroles d'encouragement et d'espérance. Si bien couché que je fusse dans ce bon lit, je me levai dès le point du jour, car j'avais l'inquiétude de savoir comment mes comédiens avaient passé la nuit. Je trouvai tout mon monde à la place où je l'avais installé la veille, et dormant comme si ce bateau eût été leur habitation depuis plusieurs mois. À mon approche, les chiens s'éveillèrent et vinrent joyeusement me demander leurs caresses du matin. Seul Joli Cœur, bien qu'il eût un œil à demi ouvert, ne bougea pas, mais il se mit à ronfler comme un trombone. Il n'y avait pas besoin d'un grand effort d'esprit pour comprendre ce que cela signifiait. Monsieur Joli Cœur, qui était la susceptibilité en personne, se fâchait avec une extrême facilité, et une fois fâché, il boudait longtemps. Dans les circonstances présentes, il était peiné que je ne l'eusse pas emmené dans ma chambre, et il me témoignait son mécontentement par ce sommeil simulé. Je ne pouvais pas lui expliquer les raisons qui m'avaient obligé, à mon grand regret, de le laisser sur le pont. Et comme je sentais que j'avais, du moins en apparence, des torts envers lui, je le pris dans mes bras pour lui témoigner mes regrets par quelques caresses. Tout d'abord, il persista dans sa bouderie. Mais bientôt, avec sa mobilité d'humeur, il pensa à autre chose. Et par sa pantomime, il m'expliqua que si je voulais aller me promener avec lui à terre, il me pardonnerait peut-être. Le marinier que j'avais vu la veille au gouvernail était déjà levé et il s'occupait à nettoyer le pont. Il voulut bien mettre la planche à terre et je pus descendre dans la prairie avec ma troupe. En jouant avec les chiens et avec Joli Cœur, en courant, en sautant les fossés, en grimpant aux arbres, le temps passa vite. Quand nous revînmes, les chevaux étaient attelés au bateau et attachés à un peuplier sur le chemin de halage. Ils n'attendaient qu'un coup de fouet pour partir. J'embarquai vite. Quelques minutes après, la mare qui retenait le bateau à la rive fut larguée. Le marinier prit place au gouvernail. Le haleur enfourcha son cheval. La poulie dans laquelle passait la remorque grinça. Nous étions en route. Quel plaisir que le voyage en bateau! Les chevaux trottaient sur le chemin de halage, et sans que nous sentissions un mouvement, nous glissions légèrement sur l'eau. Les deux rives boisées fuyaient derrière nous, et l'on entendait d'autres bruits que celui du remous contre la carène, dont le clapotement se mêlait à la sonnerie des grelots que les chevaux portaient à leur cou. Nous allions, et penchés sur le bordage, je regardais les peupliers qui, les racines dans l'herbe fraîche, se dressaient fièrement, agitant dans l'air tranquille du matin leurs feuilles toujours émues. Leurs longues files alignées selon la rive formaient un épais rideau vert qui arrêtait les rayons obliques du soleil et ne laissait venir à nous qu'une douce lumière tamisée par le branchage. De place en place, l'eau se montrait toute noire, comme si elle recouvrait des abîmes insondables. Ailleurs, au contraire, elle s'étalait en nappes transparentes qui laissaient voir des cailloux lustrés et des herbes veloutées. J'étais absorbé dans ma contemplation lorsque j'entendis prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai vivement. C'était Arthur qu'on apportait sur sa planche. Sa mère était près de lui. « Vous avez bien dormi ?» me demanda Arthur. « Mieux que dans les champs ?» Je m'approchai et répondis en cherchant des paroles polies que j'adressai à la mère tout autant qu'à l'enfant. « Les chiens, » dit-il. Je les appelai, ainsi que Jolicoeur. Ils arrivèrent en saluant et Jolicoeur en faisant des grimaces, comme lorsqu'il prévoyait que nous allions donner une représentation. Mais il ne fut pas question de représentation ce matin-là. Madame Milligan avait installé son fils à l'abri des rayons du soleil. Elle s'était placée près de lui. « Voulez-vous emmener les chiens, le singe ?» me dit-elle. « Nous avons à travailler. » Je fis ce qui m'était demandé et je m'en allai avec ma troupe tout à l'avant. À quel travail ce pauvre petit malade était-il donc propre ? Je vis que sa mère lui faisait répéter une leçon dont elle suivait le texte dans un livre ouvert. Étendu sur sa planche, Arthur répétait sans faire un mouvement. Ou plus justement, il essayait de répéter, car il hésitait terriblement et ne disait pas trois mots couramment. Encore bien souvent se trompait-il. Sa mère le reprenait avec douceur, mais en même temps avec fermeté. « Vous ne savez pas votre fable, » dit-elle. Cela me parut étrange de l'entendre dire « vous » à son fils, car je ne savais pas alors que les Anglais ne se servent pas du tutoiement. « Oh, maman, » dit-il d'une voix désolée, « vous faites plus de fautes aujourd'hui que vous n'en faisiez hier. J'ai tâché d'apprendre, et vous n'avez pas appris. Je n'ai pas pu. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas pu. Je suis malade. Vous n'êtes pas malade de la tête. Je ne consentirai jamais à ce que vous n'appreniez rien et que sous prétexte de maladie, vous grandissiez dans l'ignorance. » Elle me paraissait bien sévère, Madame Milligan, et cependant elle parlait sans colère et d'une voix tendre. « Pourquoi me désolez-vous en n'apprenant pas vos leçons ? Je ne peux pas, maman. Je vous assure que je ne peux pas. » Et Arthur se prit à pleurer. Mais Madame Milligan ne se laissa pas ébranler par ses larmes, bien qu'elle parût touchée et même désolée, comme elle avait dit. « J'aurais voulu vous laisser jouer ce matin avec Rémi et avec les chiens, » continua-t-elle, « mais vous ne jouerez que quand vous m'aurez répété votre fable sans faute. » Disant cela, elle donna le livre à Arthur et fit quelques pas, comme pour rentrer dans l'intérieur du bateau, laissant son fils couché sur sa planche. Il pleurait à sanglots. Et de ma place, j'entendais sa voix entrecoupée. Comment Madame Milligan pouvait-elle être sévère avec ce pauvre petit qu'elle paraissait aimer si tendrement? S'il ne pouvait pas apprendre sa leçon, ce n'était pas de sa faute, c'était celle de la maladie, sans doute. Elle allait donc disparaître sans lui dire une bonne parole? Mais elle ne disparut pas. Au lieu d'entrer dans le bateau, elle revint vers son fils. « Voulez-vous que nous essayions de l'apprendre ensemble ?» dit-elle. « Oh oui, maman, ensemble. » Alors elle s'assit près de lui et reprenant le livre, elle commença à lire doucement la fable, qui s'appelait « Le loup et le jeune mouton ». Après elle, Arthur répétait les mots et les phrases. Lorsqu'elle eut lu cette fable trois fois, elle donna le livre à Arthur, en lui disant d'apprendre maintenant tout seul. Elle rentra dans le bateau. Aussitôt, Arthur se mit à lire sa fable, et de ma place où j'étais restée, je le vis remuer les lèvres. Il était évident qu'il travaillait et qu'il s'appliquait. Mais cette application ne dura pas longtemps. Bientôt, il leva les yeux de dessus son livre, et ses lèvres remuèrent moins vite. Puis tout à coup, elles s'arrêtèrent complètement. Il ne lisait plus et ne répétait plus. ses yeux qui erraient çà et là rencontrèrent les miens. De la main, je lui fis un signe pour l'engager à revenir à sa leçon. Il me sourit doucement, comme pour me dire qu'il me remerciait de mon avertissement, et ses yeux se fixèrent de nouveau sur son livre. Mais bientôt, ils se relevèrent et allèrent d'une rive à l'autre du canal. Comme il ne regardait pas de mon côté, je me levai, et ayant ainsi provoqué son attention, je lui montrai son livre. Il le reprit d'un air confus. Malheureusement, 2 minutes après, un martin pêcheur, rapide comme une flèche, traversa le canal à l'avant du bateau, laissant derrière lui un rayon bleu. Arthur souleva la tête pour le suivre. Puis, quand sa vision fut évanouie, il me regarda. Alors, m'adressant la parole, « Je ne peux pas, » dit-il, « et cependant je voudrais bien. » Je m'approchai. « Cette fable n'est pourtant pas bien difficile, » lui dis-je. « Oh si, bien difficile au contraire. » Elle m'a paru très facile, et en écoutant votre maman la lire, il me semble que je l'ai retenue. Il se mit à sourire d'un air de doute. « Voulez-vous que je vous la dise ? Pourquoi, puisque c'est impossible ?»« Mais non, ce n'est pas impossible. Voulez-vous que j'essaye ? Prenez le livre. » Il reprit le livre, et je commençai à réciter. Il n'eut à me reprendre que 3 ou 4 fois. « Comment ? Vous la savez ? » s'écria-t-il. « Pas très bien, mais maintenant je crois que je la dirai sans faute. » « Comment avez-vous fait pour l'apprendre ? » « J'ai écouté votre maman la lire, mais je l'ai écoutée avec attention, sans regarder ce qui se passait autour de nous. » Il rougit et détourna les yeux. Puis, après un court moment de honte, « Je comprends comment vous avez écouté, » dit-il, « et je tâcherai d'écouter comme vous. Mais comment avez-vous fait pour retenir tous ces mots qui se brouillent dans ma mémoire ?»« Comment j'avais fait ? Je ne savais trop, car je n'avais pas réfléchi à cela. » Cependant, je tâchais de lui expliquer ce qu'il me demandait en m'en rendant compte moi-même. « De quoi s'agit-il dans cette fable ? » dis-je. « D'un mouton. Je commence donc à penser à des moutons. Ensuite, je pense à ce qu'ils font. Des moutons étaient en sûreté dans leur parc. Je vois les moutons couchés et dormant dans leur parc, puisqu'ils sont en sûreté, et les ayant vus, je ne les oublie plus. « Bon, dit-il, je les vois aussi. » Des moutons étaient en sûreté dans leur parc. J'en vois des blancs et des noirs. Je vois des brebis et des agneaux. Je vois même le parc. Il est fait de clés. Alors vous ne l'oublierez plus ? Oh non ! Ordinairement, qui est-ce qui garde les moutons ? Des chiens ? Et quand ils n'ont pas besoin de garder les moutons, parce que ceux-ci sont en sûreté, que font les chiens ? Ils n'ont rien à faire. Alors ils peuvent dormir. Nous disons donc... Les chiens dormaient. C'est cela, c'est bien facile. N'est-ce pas que c'est très facile ? Maintenant, pensons à autre chose. Avec les chiens, qu'est-ce qui garde les moutons ? Un berger ? Si les moutons sont en sûreté, le berger n'a rien à faire. À quoi peut-il employer son temps ? À jouer de la flûte. Le voyez-vous ? Oui. Où est-il ? À l'ombre d'un grand ormeau. Il est seul ? Non. Il est avec d'autres bergers voisins. Alors, si vous voyez les moutons, le parc, les chiens et le berger, est-ce que vous ne pouvez pas répéter sans faute le commencement de votre fable ? Il me semble. Essayez. En m'entendant parler ainsi, elle lui expliquait comment il pourrait être facile d'apprendre une leçon qui tout d'abord paraissait difficile, Arthur me regarda avec émotion et avec crainte, comme s'il n'était pas convaincu de la vérité de ce que je lui disais. Cependant, après quelques secondes d'hésitation, il se décida. Des moutons étaient en sûreté dans leur parc, les chiens dormaient, et le berger, à l'ombre d'un grand ormeau, jouait de la flûte avec d'autres bergers voisins. Alors, frappant ses mains l'une contre l'autre, « Mais je sais !» s'écria-t-il, « je n'ai pas fait de faute. Voulez-vous apprendre le reste de la fable de la même manière ?» Oui, avec vous, je suis sûre que je vais l'apprendre. Ah, comme maman sera contente. Et il se mit à apprendre le reste de la fable, comme il avait appris sa première phrase. En moins d'un quart d'heure, il la sut parfaitement, et il était en train de la répéter sans faute, lorsque sa mère survint derrière nous. Tout d'abord, elle se fâcha de nous voir réunis, car elle crut que nous étions ensemble que pour jouer. Mais Arthur ne lui laissa pas dire deux paroles. « Je la sais, » s'écria-t-il, « et c'est lui qui me l'a apprise. » Madame Milligan me regardait, toute surprise, et elle allait sûrement m'interroger, quand Arthur se mit, sans qu'elle le lui demandât, à répéter le loup et le jeune mouton. Il le fit d'un air de triomphe et de joie, sans hésitation et sans faute. Pendant ce temps, je regardais Madame Milligan. Je vis son beau visage s'éclairer d'un sourire. Puis il me sembla que ses yeux se mouillèrent. Mais comme à ce moment, elle se pencha sur son fils pour l'embrasser tendrement, en l'entourant de ses deux bras, je ne sais pas si elle pleurait. « Les mots, disait Arthur, c'est bête, ça ne signifie rien, mais les choses, on les voit, et Rémi m'a fait voir le berger avec sa flûte. Quand je levais les yeux en apprenant, je ne pensais plus à ce qui m'entourait, je voyais la flûte du berger et j'entendais l'air qu'il jouait. Voulez-vous que je vous chante l'air, maman ?» Et il chanta, en anglais, une chanson mélancolique. Cette fois, Madame Milligan pleurait pour tout de bon, et quand elle se releva, je vis ses larmes sur les joues de son enfant. Alors elle s'approcha de moi, et me prenant la main, elle me la serra si doucement que je me sentis tout émue. « Vous êtes un bon garçon, » me dit-elle. Si j'ai raconté tout au long ce petit incident, c'est pour faire comprendre le changement qui, à partir de ce jour-là, se fit dans ma position. La veille, on m'avait pris comme montreur de bêtes pour amuser, moi, mes chiens et mon singe, un enfant malade. Mais cette leçon me sépara des chiens et du singe. Je devins un camarade, presque un ami. Il faut dire aussi tout de suite ce que je ne sus que plus tard. C'est que Madame Milligan était désolée de voir que son fils n'apprenait, ou plus justement ne pouvait rien apprendre. Bien qu'elle fût malade, elle voulait qu'il travaillât. Et précisément parce que cette maladie devait être longue, elle voulait dès maintenant donner à son esprit des habitudes qui lui permissent de réparer le temps perdu, le jour où la guérison serait venue. Jusque-là, elle avait fort mal réussi. Si Arthur n'était point rétif au travail, il l'était absolument à l'attention et à l'application. Il prenait sans résistance le livre qu'on lui mettait aux mains. Il ouvrait même assez volontiers ses mains pour le recevoir. Mais son esprit, il ne l'ouvrait pas. Et c'était mécaniquement, comme une machine, qu'il répétait tant bien que mal, et plutôt mal que bien, les mots qu'on lui faisait entrer de force dans la tête. De là un vif chagrin chez sa mère, qui désespérait de lui. De là aussi une vive satisfaction, lorsqu'elle lui entendit répéter une fable apprise avec moi en une demi-heure, qu'elle-même n'avait pas pu, en plusieurs jours, lui mettre dans la mémoire. Quand je pense maintenant aux jours passés sur ce bateau, auprès de Madame Milligan et d'Arthur, je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance. Arthur s'était pris pour moi d'une ardente amitié, et de mon côté, je me laissais aller sans réfléchir et sous l'influence de la sympathie, à le regarder comme un frère. Pas une querelle entre nous. Chez lui, pas la moindre marque de la supériorité que lui donnait sa position. Et chez moi, pas le plus léger embarras. Je n'avais même pas conscience que je pouvais être embarrassée. Cela tenait sans doute à mon âge et à mon ignorance des choses de la vie. Mais assurément, cela tenait beaucoup encore à la délicatesse et à la bonté de Madame Milligan, qui bien souvent me parlait comme si j'avais été son enfant. Et puis, ce voyage en bateau était pour moi un émerveillement. Pas une heure d'ennui ou de fatigue. Du matin au soir, toutes nos heures remplies. Depuis la construction des chemins de fer, on ne visite plus, on ne connaît même plus le canal du Midi. Et cependant, c'est une des curiosités de la France. De Villefranche de Lauragais, nous avions été à Avignonnet, et d'Avignonnet aux pierres de Naurouze, où s'élève le monument érigé à la gloire de Riquet, le constructeur du canal, à l'endroit même où se trouve la ligne de fête entre les rivières qui vont se jeter dans l'océan et celles qui descendent à la Méditerranée. Puis nous avions traversé Castelnaudary, la ville des moulins, Carcassonne, la cité du Moyen-Âge, et par l'écluse de Fouzeranne, si curieuse avec ses huit sas accolés, nous étions descendus à Béziers. Quand le pays était intéressant, nous ne faisions que quelques lieues dans la journée. Quand au contraire il était monotone, nous allions plus vite. C'était la route elle-même qui décidait notre marche et notre départ. aucune des préoccupations ordinaires aux voyageurs ne nous gênait. Nous n'avions pas à faire de longues étapes. Pour gagner une auberge, nous serions certains de trouver à dîner et à coucher. À heure fixe, nos repas étaient servis sous la véranda, et tout en mangeant, nous suivions tranquillement le spectacle mouvant des deux rives. Quand le soleil s'abaissait, nous nous arrêtions où l'ombre nous surprenait, et nous restions là jusqu'à ce que la lumière reparût. Toujours chez nous, dans notre maison, nous ne connaissions point les heures désœuvrées du soir, si longues et si tristes, bien souvent, pour le voyageur. Ces heures du soir, tout au contraire, étaient pour nous souvent trop courtes, et le moment du coucher nous surprenait presque toujours, alors que nous ne pensions guère à dormir. Le bateau arrêté, s'il faisait frais, on s'enfermait dans le salon, et après avoir allumé un feu doux pour chasser l'humidité ou le brouillard qui était mauvais pour le malade, on apportait les lampes. On installait Arthur devant la table, je m'asseyais près de lui, et Madame Milligan nous montrait des livres d'images ou des vues photographiques. De même que le bateau qui nous portait avait été construit pour cette navigation spéciale, de même les livres et les vues avaient été choisis pour ce voyage. Quand nos yeux commençaient à se fatiguer, elle ouvrait un de ces livres et nous lisait les passages qui devaient nous intéresser et que nous pouvions comprendre. Ou bien, fermant livres et albums, elle nous racontait les légendes, les faits historiques, se rapportant au pays que nous venions de traverser. Elle parlait les yeux attachés sur ceux de son fils, et c'était chose touchante de voir la peine qu'elle se donnait pour n'exprimer que des idées, pour n'employer que des mots qui pussent être facilement compris. Pour moi, quand les soirées étaient belles, j'avais aussi un rôle actif. Alors je prenais ma harpe, et descendant à terre, j'allais à une certaine distance me placer derrière un arbre qui me cachait dans son ombre. Et là, je chantais toutes les chansons, je jouais tous les airs que je savais. Pour Arthur, c'était un grand plaisir que d'entendre ainsi de la musique dans le calme de la nuit, sans voir celui qui la faisait. Souvent, il me criait « Encore !» et je recommençais l'air que je venais de jouer. C'était là une vie douce et heureuse pour un enfant qui, comme moi, n'avait quitté la chaumière de Mère Barberin que pour suivre sur les grandes routes le Signor Vitalis. Quelle différence entre le plat de pommes de terre au sel de ma pauvre nourrice et les bonnes tartes aux fruits, les gelées, les crèmes, les pâtisseries de la cuisinière de Madame Milligan. Quel contraste entre les longues marches à pied dans la boue, sous la pluie, par un soleil de feu, derrière mon maître, et cette promenade en bateau. Mais pour être juste envers moi-même, je dois dire que j'étais encore plus sensible au bonheur moral que je trouvais dans cette vie nouvelle, qu'aux jouissances matérielles qu'elle me donnait. Oui, elles étaient bien bonnes, les pâtisseries de Madame Milligan. Oui, il était agréable de ne plus souffrir de la faim, du chaud ou du froid. Mais combien plus que tout cela étaient bons et agréables pour mon cœur les sentiments qui l'emplissaient. Deux fois j'avais vu se briser ou se dénouer les liens qui m'attachaient à ce que j'aimais. La première, lorsque j'avais été arrachée d'auprès de Mère Barberin. La seconde, lorsque j'avais été séparée de Vitalis. Et ainsi, deux fois je m'étais trouvée seule au monde, sans appui, sans soutien, n'ayant d'autres amis que mes bêtes. Et voilà que dans mon isolement et dans ma détresse, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait témoigné de la tendresse et que j'avais pu aimer. Une femme, une belle dame, douce, affable et tendre. Un enfant de mon âge qui me traitait comme si j'avais été son frère. Quelle joie! Quel bonheur pour un cœur qui, comme le mien, avait tant besoin d'aimer. Combien de fois, en regardant Arthur couché sur sa planche, pâle et dolent, je me prenais à envier son bonheur, moi, plein de santé et de force. Ce n'était pas le bien-être qui l'entourait que j'enviais. Ce n'était pas ses livres, ses jouets luxueux. Ce n'était pas son bateau. C'était l'amour que sa mère lui témoignait. Comme il devait être heureux d'être ainsi aimé, d'être ainsi embrassé 10 fois, 20 fois par jour, et de pouvoir lui-même embrasser de tout son cœur cette belle dame, sa mère, dont j'osais à peine toucher la main lorsqu'elle me l'attendait. Et alors je me disais tristement que moi, je n'aurais jamais une mère qui m'embrasserait et que j'embrasserais. Peut-être un jour je reverrai Mère Barberin, et ce me serait une grande joie. Mais enfin je ne pourrais plus maintenant lui dire comme autrefois, « Maman », puisqu'elle n'était pas ma mère. Seul, je serai toujours seul. » Aussi cette pensée me faisait-elle goûter avec plus d'intensité la joie que j'éprouvais à me sentir traité tendrement par Madame Milligan et Arthur. Je ne devais pas me montrer trop exigeant pour ma part de bonheur en ce monde, et puisque je n'aurais jamais ni mère, ni frère, ni famille, je devais me trouver heureux d'avoir des amis. Je devais être heureux, et en réalité je l'étais pleinement. Cependant, si douces que me parussent ces nouvelles habitudes, il me fallut bientôt les interrompre pour revenir aux anciennes. Chapitre 13. Enfant trouvé. Le temps avait passé vite pendant ce voyage, et le moment approchait où mon maître allait sortir de prison. À mesure que nous nous éloignions de Toulouse, cette pensée m'avait de plus en plus vivement tourmentée. C'était charmant de s'en aller ainsi en bateau, sans peine comme sans souci, mais il faudrait revenir et faire à pied la route parcourue sur l'eau. Ce serait moins charmant. Plus de bons lits, plus de crème, plus de pâtisserie, plus de soirées autour de la table. Et ce qui me touchait encore bien plus vivement, il faudrait me séparer d'Arthur et de Madame Milligan. Il faudrait renoncer à leur affection, les perdre comme déjà j'avais perdu Mère Barberin. N'aimerais-je donc, ne serais-je donc aimé que pour être séparé brutalement de ceux près de qui je voulais passer ma vie? Je puis dire que cette préoccupation a été le seul nuage de ces journées radieuses. Un jour, enfin, je me décidai à en faire part à Madame Milligan, en lui demandant combien elle croyait qu'il me faudrait de temps pour retourner à Toulouse, car je voulais me trouver devant la porte de la prison, juste au moment où mon maître la franchirait. En entendant parler de départ, Arthur poussa Léo au cri. « Je ne veux pas que Rémi parte !» s'écria-t-il. Je répondis que je n'étais pas libre de ma personne, que j'appartenais à mon maître, à qui mes parents m'avaient loué, et que je devais reprendre mon service auprès de lui le jour où il aurait besoin de moi. Je parlai de mes parents sans dire qu'ils n'étaient pas réellement mes pères et mères, car il aurait fallu avouer en même temps que je n'étais qu'un enfant trouvé. Et c'était là une honte à laquelle je ne pouvais pas me résigner tant j'avais souffert, depuis que je me rendais compte de mes sensations, du mépris que j'avais vu dans notre village, marqué en toute occasion aux enfants des hospices. Enfants trouvés. Il me semblait que c'était tout ce qu'il y avait de plus abject au monde. Mon maître savait que j'étais un enfant trouvé, mais il était mon maître, tandis que je serais mort bouche close plutôt que d'avouer à Madame Milligan et à Arthur, qui m'avaient élevé jusqu'à eux, que j'étais un enfant trouvé. Est-ce qu'il ne m'aurait pas alors rejeté et repoussé avec dégoût? « Maman, il faut retenir Rémi, » continua Arthur, qui en dehors du travail était le maître de sa mère et faisait d'elle tout ce qu'il voulait. « Je serai très heureuse de garder Rémi, » répondit Madame Milligan. « Vous l'avez prise en amitié et moi-même j'ai pour lui beaucoup d'affection. Mais pour le retenir près de nous, il faut la réunion de deux conditions que ni vous ni moi ne pouvons décider. La première, c'est que Rémi veuille rester avec nous. « Ah, Rémi voudra bien !» interrompit Arthur. « N'est-ce pas, Rémi, que vous ne voulez pas retourner à Toulouse ?»« La seconde, » continua Madame Milligan sans attendre ma réponse, « c'est que son maître consente à renoncer aux droits qu'il a sur lui. »« Rémi, Rémi d'abord !» interrompit Arthur, poursuivant son idée. « Assurément, Vitalis avait été un bon maître pour moi, et je lui étais reconnaissant de ses soins aussi bien que de ses leçons. Mais il n'y avait aucune comparaison à établir entre l'existence que j'avais menée près de lui et celle que m'offrait Madame Milligan. Et même il n'y avait aucune comparaison à établir entre l'affection que j'éprouvais pour Vitalis et celle que m'inspiraient Madame Milligan et Arthur. Quand je pensais à cela, je me disais que c'était mal à moi de préférer à mon maître ces étrangers que je connaissais depuis si peu de temps. Mais enfin cela était ainsi. J'aimais tendrement Madame Milligan et Arthur. « Avant de répondre, » continua Madame Milligan, « Rémi doit réfléchir que ce n'est pas seulement une vie de plaisir et de promenade que je lui propose, mais encore une vie de travail. Il faudra étudier, prendre de la peine, rester penché sur les livres, suivre Arthur dans ses études. Il faut mettre cela en balance avec la liberté des grands chemins. « Il n'y a pas de balance, dis-je, et je vous assure, madame, que je sens tout le prix de votre proposition. »« Là, voyez-vous, maman, » s'écria Arthur, « Rémi veut bien. » Et il se mit à applaudir. Il était évident que je venais de le tirer d'inquiétude, car lorsque sa mère avait parlé de travail et de livres, j'avais vu son visage exprimer l'anxiété. Si j'allais refuser. Et cette crainte pour lui qui avait horreur des livres avait dû être des plus vives. Mais je n'avais pas, heureusement, cette même crainte, et les livres, au lieu de m'épouvanter, m'attiraient. Il est vrai qu'il y avait bien peu de temps qu'on m'en avait mis entre les mains, et ce qui y avait passé m'avait donné plus de plaisir que de peine. Aussi, l'offre de Madame Milligan me rendait-elle très heureux, et étais-je parfaitement sincère en la remerciant de sa générosité. Je n'allais donc pas abandonner le cygne ? Je n'allais pas renoncer à cette douce existence ? Je n'allais pas me séparer d'Arthur et de sa mère ? Maintenant, poursuivit Madame Milligan, il nous reste à obtenir le consentement de son maître. Pour cela, je vais lui écrire de venir nous trouver à 7, car nous ne pouvons pas retourner à Toulouse. Je lui enverrai ses frais de voyage, et après lui avoir fait comprendre les raisons qui nous empêchent de prendre le chemin de fer, j'espère qu'il voudra bien se rendre à mon invitation. S'il accepte mes propositions, il ne me restera plus qu'à m'entendre avec les parents de Rémi, car eux aussi doivent être consultés. Jusque-là, tout dans cet entretien avait marché à souhait pour moi, exactement comme si une bonne fée m'avait touché de sa baguette. Mais ces derniers mots me ramenèrent durement du rêve où je planais, dans la triste réalité. Consulter mes parents. Mais sûrement ils diraient ce que je voulais qui restât caché. La vérité éclaterait. Enfant trouvé. Alors ce serait Arthur, ce serait Madame Milligan qui ne voudrait pas de moi. Alors l'amitié qu'il me témoignait serait anéantie. Mon souvenir même leur serait pénible. Arthur aurait joué avec un enfant trouvé, en aurait fait son camarade, son ami, presque son frère. Je restai atterré. Madame Milligan me regarda avec surprise et voulut me faire parler, mais je n'osais pas répondre à ses questions. Alors, croyant sans doute que c'était la pensée de la prochaine arrivée de mon maître qui me troublait ainsi, elle n'insista pas. Heureusement, cela se passait le soir, peu de temps avant l'heure du coucher. Je pus échapper bientôt au regard curieux d'Arthur et aller m'enfermer dans ma cabine avec mes craintes et mes réflexions. Ce fut ma première mauvaise nuit à bord du cygne, mais elle fut terriblement mauvaise, longue et fiévreuse. Que faire? Que dire? Je ne trouvais rien. Et après avoir tourné et retourné 100 fois les mêmes idées, après avoir adopté les résolutions les plus contradictoires, je m'arrêtai enfin à ne rien faire et à ne rien dire. Je laisserais aller les choses et je me résignerais, si je ne pouvais mieux, à ce qui arriverait. Peut-être Vitalis ne voudrait-il pas renoncer à moi, et alors il n'y aurait pas à faire connaître la vérité. Et tel était mon effroi de cette vérité que je croyais si horrible, que j'en vins à souhaiter que Vitalis n'acceptât pas la proposition de Madame Milligan. Sans doute il faudrait m'éloigner d'Arthur et de sa mère, renoncer à les revoir jamais peut-être, mais au moins il ne garderait pas de moi un mauvais souvenir. 3 jours après avoir écrit à mon maître, Madame Milligan reçut une réponse. En quelques lignes, Vitalis disait qu'il aurait l'honneur de se rendre à l'invitation de Madame Milligan et qu'il arriverait à 7 le samedi suivant par le train de 2 heures. Je demandai à Madame Milligan la permission d'aller à la gare et prenant les chiens ainsi que Joli Cœur avec moi, nous attendîmes l'arrivée de notre maître. Les chiens étaient inquiets, comme s'ils se doutaient de quelque chose. Joli Cœur était indifférent et pour moi, j'étais terriblement ému. C'était ma vie qui allait se décider. Ah, si j'avais osé, comme j'aurais prié Vitalis de ne pas dire que j'étais un enfant trouvé. Mais je n'osais pas, et je sentais que ces 2 mots, enfant trouvé, ne pourraient jamais sortir de ma gorge. Je m'étais placé dans un coin de la cour de la gare, tenant mes trois chiens en laisse et joli cœur sous ma veste, et j'attendais s'entrevoir ce qui se passait autour de moi. Ce furent les chiens qui m'avertirent que le train était arrivé et qu'ils avaient flairé notre maître. Tout à coup, je me sentis entraîné en avant, et comme je n'étais pas sur mes gardes, les chiens m'échappèrent. Ils couraient en aboyant joyeusement, et presque aussitôt je les vis sauter autour de Vitalis, qui, dans son costume habituel, venait d'apparaître. Plus prompt, bien que moins souple que ses camarades, Capis s'était élancé dans les bras de son maître, tandis que Zerbino et Dolce se cramponnaient à ses jambes. Je m'avançai à mon tour, et Vitalis, posant Capi à terre, me serra dans ses bras. Pour la première fois, il m'embrassa, en me répétant à plusieurs reprises « Buondi, povero caro !» Mon maître n'avait jamais été dur pour moi, mais n'avait jamais non plus été caressant, et je n'étais pas habitué à ces témoignages d'effusion. Cela m'attendrit et me fit venir les larmes aux yeux, car j'étais dans des dispositions où le cœur se serre vite. Je le regardai, et je trouvai qu'il avait bien vieilli en prison. Son visage avait pâli, ses lèvres s'étaient décolorées. « Eh bien, tu me trouves changé, n'est-ce pas, mon garçon ?» me dit-il. « La prison est un mauvais séjour, et l'ennui une mauvaise maladie. Mais cela va aller mieux maintenant. » Puis, changeant de sujet, « Et cette dame qui m'a écrit, dit-il, comment l'as-tu connue ?» Alors je lui racontai comment j'avais rencontré le cygne, et comment, depuis ce moment, j'avais vécu auprès de Madame Milligan et de son fils. Ce que nous avions vu, ce que nous avions fait. Mon récit fut d'autant plus long que j'avais peur d'arriver à la fin et d'aborder un sujet qui m'épouvantait. Car jamais maintenant je ne pourrais dire à mon maître que je désirais le quitter pour rester avec Madame Milligan et Arthur. Mais je n'eus pas cet aveu à lui faire, car nous arrivâmes à l'hôtel où Madame Milligan s'était logée avant que mon récit fût terminé. D'ailleurs, Vitalis ne me dit rien de la lettre de Madame Milligan et ne me parla pas des propositions qu'elle avait dû lui adresser dans cette lettre. « Et cette dame m'attend ?» dit-il quand nous entrâmes à l'hôtel. « Oui, je vais vous conduire à son appartement. C'est inutile. Donne-moi le numéro et reste ici à m'attendre avec les chiens et joli cœur. » Quand mon maître avait parlé, je n'avais pas l'habitude de répliquer ou de discuter. Je voulus cependant risquer une observation pour lui demander de l'accompagner auprès de Madame Milligan, ce qui me semblait aussi naturel que juste. Mais d'un geste, il me ferma la bouche et je lui obéis, restant à la porte de l'hôtel, sur un banc, avec les chiens autour de moi. Eux aussi avaient voulu le suivre, mais ils n'avaient pas pu résister à son ordre de ne pas entrer, que je n'y avais résisté moi-même. Vitalis avait commandé. Pourquoi n'avait-il pas voulu que j'assistasse à son entretien avec Madame Milligan? Ce fut ce que je me demandais, tournant cette question dans tous les sens. Je ne lui avais pas encore trouvé de réponse lorsque je le vis revenir. « Va faire tes adieux à cette dame, me dit-il, je t'attends ici. Nous partons dans 10 minutes. » Je fus renversé. « Eh bien, dit-il, après quelques minutes d'attente, tu ne m'as donc pas compris? Tu restes là, stupide? « Dépêchons !» Ce n'était pas son habitude de me parler durement, et depuis que j'étais avec lui, il ne m'en avait jamais autant dit. Je me levai pour obéir machinalement, sans comprendre. Mais après avoir fait quelques pas pour monter à l'appartement de Madame Milligan, « Vous avez donc dit, demandai-je, j'ai dit que tu m'étais utile et que je t'étais moi-même utile, par conséquent que je n'étais pas disposé à céder les droits que j'avais sur toi. « Marche et reviens. » Cela me rendit un peu de courage, car j'étais si complètement sous l'influence de mon idée fixe d'enfant trouvé que j'imaginais que, s'il fallait partir avant 10 minutes, c'était parce que mon maître avait dit ce qu'il savait de ma naissance. En entrant dans l'appartement de Madame Milligan, je trouvai Arthur en larmes et sa mère penchée sur lui pour le consoler. « N'est-ce pas, Rémi, que vous n'allez pas partir ?» s'écria Arthur. Ce fut Madame Milligan qui répondit pour moi en expliquant que je devais obéir. « J'ai demandé à votre maître de vous garder près de nous, » me dit-elle d'une voix qui me fit monter les larmes aux yeux, « mais il ne veut pas y consentir, et rien n'a pu le décider. »« C'est un méchant homme !» s'écria Arthur. « Non, ce n'est point un méchant homme, » poursuivit Madame Milligan. « Vous lui êtes utile, et de plus, je crois qu'il a pour vous une véritable affection. D'ailleurs, ses paroles sont celles d'un honnête homme et de quelqu'un au-dessus de sa condition. Voilà ce qu'il m'a répondu pour expliquer son refus. J'aime cet enfant, et il m'aime. Le rude apprentissage de la vie que je lui fais faire près de moi lui sera plus utile que l'état de domesticité déguisée dans lequel vous le feriez vivre malgré vous. Vous lui donneriez de l'instruction, de l'éducation, c'est vrai. Vous formeriez son esprit, c'est vrai, mais non son caractère. Il ne peut pas être votre fils. Il sera le mien. Cela vaudra mieux que d'être le jouet de votre enfant malade, doux, si aimable que paraisse être cet enfant. Moi aussi je l'instruirai. Mais puisqu'il n'est pas le père de Rémi, s'écria Arthur. Il n'est pas son père, cela est vrai, mais il est son maître, et Rémi lui appartient puisque ses parents le lui ont loué. Il faut que pour le moment Rémi lui obéisse. Mais je ne veux pas que Rémi parte. Il faut cependant qu'il suive son maître, mais j'espère que ce ne sera pas pour longtemps. Nous écrirons à ses parents, et je m'entendrai avec eux. « Oh non ! » m'écriai-je. « Comment non ? Oh non, je vous en prie. » « Il n'y a cependant que ce moyen, mon enfant. » « Je vous en prie, n'est-ce pas ? » Il est à peu près certain que si Madame Milligan n'avait pas parlé de mes parents, j'aurais donné à nos adieux beaucoup plus que les 10 minutes qui m'avaient été accordées par mon maître. « C'est à Chavanon, n'est-ce pas ? » continua Madame Milligan. Sans lui répondre, je m'approchai d'Arthur, et le prenant dans mes bras, je l'embrassai à plusieurs reprises, mettant dans ses baisers toute l'amitié fraternelle que je ressentais pour lui. Puis, m'arrachant sa faible étreinte et revenant à Madame Milligan, je me mis à genoux devant elle et lui baisai la main. « Pauvre enfant !» dit-elle en se penchant sur moi, et elle m'embrassa au front. Alors je me relevai vivement et courant à la porte. « Arthur, je vous aimerai toujours !» dis-je d'une voix entrecoupée par les sanglots. « Et vous, madame, je ne vous oublierai jamais !» « Rémi, Rémi !» cria Arthur. Mais je n'en entendis pas davantage. J'étais sorti et j'avais refermé la porte. 1 minute après, j'étais auprès de mon maître. « En route, » me dit-il. Et nous sortîmes de Sète par la route de Frontignan. Ce fut ainsi que je quittai mon premier ami et me lançai dans des aventures qui m'auraient été épargnées si, victime d'un odieux préjugé, je ne m'étais pas laissé affoler par une sotte crainte.